Allez, je fais l'appel. Il est l'heure, je crois. Tu dois t'en souvenir, je l'ai fait maintes fois. Je prononçais ton nom, tu étais écolier, et tu y répondais un peu, sans y penser. Ta place était devant, là, tout près du tableau, ou bien vers la fenêtre, ou contre mon bureau. Et c'était cette ville, ou bien cette campagne. Tu pouvais voir la mer, ou bien une montagne. Mais où que fut ta chaise? Allez, rappelle-toi, et réponds-moi présent, une dernière fois. Je ne suis rien, personne, une voix qui s'élève, et si mes mots vous touchent, prenez-en la relève, en lisant ce message, en vous l'appropriant, il est écrit pour vous et pour tous les enfants. Oui, si vous le voulez, faites-vous porte-voix, pour diffuser partout un peu d'espoir, de foi, car tous enfin vous fûtes un jour un écolier, et tous enfin, enfants, vous aimiez rêver. Beaucoup sur le pavé en ce 5 décembre, voyons qui a voulu, là, dans la rue, descendre. Je vois des lycéens, et puis des travailleurs, je vois des étudiants, et là des professeurs, avocats, policiers, et nombreux médecins, mais aussi des pompiers, et des laborantins, et puis des magistrats, et des gens des transports, aériens ou terriens, et même ceux des ports, des gens de l'énergie, mais j'en oublie encore, du privé, du public, car c'est une pléthore de gens qui, ce jeudi, voudraient être présents. La grève, c'est la fin, c'est l'ultime recours, pourquoi la discussion, aujourd'hui, n'a plus cours? Oh, depuis fort longtemps, ils jouent la sourde oreille, à tous ces gouvernants, mettons un appareil. Et moi, de mon côté, je commence l'appel, car les jours à venir, il faudra un rappel. Allez là, souviens-toi de l'appel du matin, ce n'était pas si loin, car tu es lycéen. On te dit pas adulte, mais tu n'es plus enfant, tu voudrais décider, on te dit dépendant. Mais sans être adulte, vous êtes jeunes gens, aussi, entendez-moi, on détient vos parents. Ils ont les poings liés, ne peuvent contester, ils voudraient dire non, on les a bâillonnés. Car il ne manque pas de vaillance, ces gens qui sont plus vieux que vous. Ce qu'il manque, d'argent. Il la ferait, la grève, jusqu'à ce que tout change, car enfin rien ne va. Oui, beaucoup nous dérangent. Mais regardez-les donc, regardez leurs deux bras. Beaucoup les ont baissés, alignés et bien droits. Ce ne sont pas, pourtant, de braves militaires, mais ils marchent au pas. Pourquoi? On les fait taire. Enfin, ceux qui auraient encore une espérance, faire changer les choses, une meilleure France. Ils ont le bras en l'air, lèvent bien haut le doigt. Ai-je la permission de râler et le droit? La loi leur dit alors, contestez? Ah mais non! Enfin, si vous voulez, prévenez en amont. Voici le règlement et là tous les papiers. Et beaucoup d'entre nous se voient découragés. Car quel papier signer quand on est révolté? Il y a tant à changer, autant se résigner. Debout, les lycéens, vous avez le pouvoir d'agiter vos deux mains, de mettre le bazar. Elles sont encore libres, c'est nous les dépendants. Nous tremblons tellement de perdre de l'argent. Madame, j'ai le bac, madame, mon brevet, j'ai contrôle de maths et celui de français. Mais enfin, il suffit, vous n'avez pas compris? Apprendre, ce n'est rien, ce qu'il faut, c'est l'envie. Vouloir s'élever, grandir à chaque instant, chercher à voir après et questionner souvent. À quoi bon les diplômes et les satisfaisants si après vous vivez mais sans être conscient? On nous a démunis, voilà la vérité. On a volé nos armes, on ne peut plus parler. Venez donc, France libre, libérez l'occupé. Venez sauver les grands qui sont préoccupés. Allez là, souviens-toi de l'appel récurrent. Tu es encore jeune aujourd'hui, l'étudiant. Oui, venez, étudiants, aidez les lycéens. Laissez donc vos devoirs, car vous n'en avez qu'un. Grandissez en un jour, grandissez pour la France. Venez porter secours, ravivez l'espérance. Allez, soyez parents de la révolution, signez en votre nom les autorisations. Je n'irai pas m'asseoir calmement sur les bancs. Demain, je serai fier, debout, criant présent. À quoi bon être assis, jouer aux écoliers, quand l'humanité meurt? Je n'y suis pas allé. Si vous ne bougez pas, voilà tout l'héritage que là vous léguerez à tout un équipage, vos enfants ou les gens qui viendront après vous. Car il est aussi temps qu'on le voit, qu'on s'avoue ne pas être immortel. On l'oublie tellement qu'on se croit solitaire et pris dans des tourments que l'on doit régler seul. On se sent isolé, on se croit responsable, on nous a aveuglés. Car le mal vient d'ailleurs. De notre société. Chaque soir, nous rentrons, et l'esprit harassé, nous voulons oublier la culpabilité. La culpabilité de n'avoir pas donné, et de n'avoir pas pu vraiment bien enseigner, et de n'avoir pas pu cette ville à sauver, et de n'avoir pas pu correctement juger, et de n'avoir pas pu vraiment bien labourer, et de n'avoir pas pu enfin prendre le temps de faire son métier un peu correctement. Oui, tous, enfin, le soir, nous culpabilisons. Par manque de moyens, mauvaises conditions de travail, et enfin, nous nous sentons rouages, empêchés de tourner, nous croulons sous les pages de l'administration, car partout des papiers. Mais pourquoi, dans un monde dématérialisé, on perd autant de temps, on devrait en gagner? Et en rentrant chez nous, on veut nous occuper. Surtout, ils doivent faire, empêchons la pensée, qu'ils se vident la tête. Et on nous fait vider nos déchets dans des bacs. On nous fait bien jouer le cube dans le carré, le verre avec le verre. Ça, c'est pour le carton. Et ça, oh bah qu'en faire. Et on se prend la tête avec nos poubelles. On nous infantilise et on nous traite telles des machines dociles qui sont séparées. On nous rend imbéciles, dépolitisés. La nature se meurt. Ah oui, mais j'ai trié. Il ne faut pas trier, il faut légiférer. Nul tri serait à faire si en amont, messieurs, vous obligiez certains à organiser mieux les produits qu'on nous vend. Mais en jeu, de l'argent. Les a-t-on augmentés, leurs charges augmentant, nos éboueurs un peu? Ah, je ne crois pas, non. Et pendant le souper, on voit dans la télé un monde toujours dur, des inégalités. Comment ne pas alors se culpabiliser? Et que vont-ils faire? Eux aussi vont trier? Oui, mais quoi? Hein? Des gens? Comment ça? Des migrants? Oui, il y a des gens qui sont à nos frontières, mais on va les filtrer, à certains dire « arrière !» Et tous, nous savons, quelles que soient nos idées, que nous serions ses frères si nous étions nés ailleurs que là, chez nous. Ceci n'est rien qu'un fait. Et quand nous nous couchons contre nos oreillers, on ne veut plus penser, oui, on voudrait rêver. Mais qui peut bien dormir, en effet, chaque nuit, quand on sait qu'aux frontières de notre pays, on mettra des videurs comme en boîte de nuit, et que les gens dehors, eux, risqueront leur vie. En voyant tout ce monde, bien en train de couler, beaucoup là abandonnent. Il faut se résigner. Aujourd'hui, ils imposent une précarité. On tremble et par peur, on n'ose pas bouger. Alors on va manger là de la résilience qui en réalité ôte la résistance. Certains désemparés disent qu'ils n'y croient plus. Oh, tu sais, ma retraite, j'ai fait une croix dessus. Mais enfin, on nous dit aller sauver la terre. Or, comment combattre si l'on devient précaire? Je m'excuse pour cette mauvaise ironie, mais allez dire demain dans les zones en conflit, oh, enfin vos déchets, la planète, je vous prie. Oui, relevons nos têtes, refusons d'accepter, refusons la misère et de vivre couchés. Non, là pour nos retraites, refusons Waterloo, battons-nous en avant pour nos acquis sociaux. C'est l'heure du rappel, sortez donc vos cahiers. Le rôle des politiques, c'est de tous nous aider à vivre en harmonie, à vivre mieux ensemble, car pour se quereller, l'humain sait, ce me semble, se débrouiller tout seul. Et aussi, bien souvent, on veut se rassurer. Nous n'allons pas si mal, regardez à côté, nos voisins vont plus mal, pourquoi se révolter? Mais regardez-vous donc, doit-on tout accepter, parce que tout près de nous, il y a pire, enfin? Est-ce là le progrès que veut le genre humain? On se compare à pire, plutôt que d'exiger de viser bien plus haut. Mais où est le progrès? Et toujours en tout lieu, écoutez quand on dit, ah, ils râlent encore, mais voyez leurs acquis. Ce sont des profiteurs, tous ces gens, des nantis. On vous a fait envier les acquis du voisin, plutôt là que de dire « il nous les faut demain !» Nous devons exiger et non se contenter. Rien n'est jamais figé, l'histoire ne s'écrit pas par de vieux historiens, mais bien avant par toi. Et vous tous, citoyens et tous, frères humains, nous vivons aujourd'hui, ne serons rien demain. Si l'on doit tout changer et l'être humain sauver, il faut viser plus haut pour que l'humanité soit bien plus qu'un mot et il faudra briser les chaînes qu'auparavant nous avons érigées. On a trouvé le feu il y a quelque temps. Il faudra trouver mieux humain dorénavant. Les frontières ne sont que très noires sur carte, qu'on soit ici ou là, ou bien dans les Carpates. Nous sommes tous des hommes et devrons nous unir pour sauver la nature plutôt que la détruire. Si nous ne faisons rien, elle va ensevelir l'histoire des humains. Alors il faut agir. Et à ceux qui diraient « mais tout va bien pour moi, leur grève c'est pénible, ça ne me concerne pas », tendez un peu l'oreille et en bon voisinage, demandez donc plutôt d'où ce remue-ménage provient et pourquoi tous ces voisins font grève. Et voisins, racontez les charges qui vous pèsent sur votre quotidien, ce qu'est votre journée. Il suffit là de taire, il suffit d'ignorer. Sortez là tous enfin de vos droits de réserve, car c'est un mauvais sort qu'on nous réserve à tous. Allez creuser l'info que donnent les journalistes, car beaucoup sont brimés, devenus formalistes. Ils doivent respecter le format imposé et ne pas dépasser et ne pas déborder et surtout pas trop dire, ne pas trop révéler. Mais avant mon appel, là, un dernier appel. Il est plus qu'important, oui, il est essentiel. La violence agressive, idiote et informe ne fera que masquer le propos et déforme, toujours, car sans parole, nous ne sommes que bêtes. Or, nous sommes des hommes et nous avons nos têtes. Ne vous les coupez pas, n'en venez pas aux mains. Gardez votre sang chaud en vous, soyez humains. Colériques, violents, gardez vos poings fermés pour les monter en l'air et venez protester. N'allez pas abîmer la voiture du voisin, casser quelques boutiques ne mènera à rien. Vous voulez tout changer ? Détruire serait vain. On construit sur la base et jamais sur du rien. Allez, je fais l'appel. Lycéen jeunes gens, pour des cours de soutien et c'est pour maintenant. Elle est si loin pour vous, la retraite aujourd'hui. Alors ne battez pas, en retraite, allez-y. Vous aurez tout le temps de vivre et d'être assis si nous gagnons demain les combats d'aujourd'hui. Les semaines à venir, jetez tous vos cartables, élevez de grands murs avec, prenez vos tables, et là, bloquez l'entrée des écoles au lycée, et puis allez aussi bloquer les facultés. Ainsi, les professeurs, ne pouvant professer, iront bloquer ailleurs par solidarité. Ils iront se poster devant les hôpitaux et bloqueront les trains et dans les cheminots. Médecins, infirmiers, travailleurs du rail pourront donc à loisir empêcher le travail des pompiers, policiers, soutenant le moral de ces professions ou faire grève, c'est mal. Oui. Tous allons bloquer ensuite un peu partout. Arrêtons là le temps. Une semaine, cessons tout. Un pays mort enfin et personne qui fait grève. Ce n'est pas infaisable et ce n'est pas qu'un rêve. Oui, j'appelle aujourd'hui à un cours de soutien amical, général, fraternel et humain. Et nous soutenant tous, nous serons les piliers de la nation française qui là se voit couler. Mais allons bien plus loin que demander retrait. Nos piliers élevés, exigeons le progrès, car enfin aujourd'hui, toutes les professions auraient, si elles osaient, des revendications. Dès demain et partout, murmurez « je soutiens ». Ou bien, si vous voulez, criez donc « je soutiens ». Faites des banderoles, écrivez « je soutiens ». Oui, soutenons-nous tous et montrons le chemin pour élever la France et son peuple d'humains. Si là, ce n'est qu'un rêve, moi, mon rêve, j'y crois. Enfin, ici écrit, on le touche du doigt. Certains diront sans doute, ce n'est qu'une utopie. Mais rappelez-vous du, la maîtresse l'a dit. Je ne suis pas si sûre que ce soit impossible. Je ne suis pas si seule devant les impassibles. Et si en entendant ces quelques mots posés, là vous y avez cru, ou en êtes touché, si vous avez enfin un peu douté, frémi, c'est que là, vous aussi, vous en avez l'envie. Et enfin, je termine. J'appelle mes plus anciens, ceux qui sont en retraite ou qui disent « Demain, je n'irai pas, vois-tu, j'ai tellement combattu, je passe là mon tour à d'autres d'être élus. » À mes anciens élèves qui vivent de mon temps et à ceux qui enchaînent « Ah, c'était mieux avant. » Cessez vos jérémiades, vous êtes de notre temps. Vous êtes ici et là et toujours bien vivants. Et le seul cri primal que se doit l'être humain, c'est de crier toujours « Ce sera mieux demain !» Allez, rejoignez-nous. Apportez le soutien. Quant à vous, gouvernants, oh, les mauvais élèves, notez bien vos devoirs, car la colère se lève. Conjuguez pour demain, au présent et futur, le verbe gouverner. Ah oui, ce sera dur, car tous les écoliers de France du passé vous montreront bientôt qu'ils sauront bien manier à toutes les personnes le verbe protester.